kundia ye kubeta maboko Oden odinonga bakani manulu vaka no mwana na okotika la kache emi okokoma mwinda te kontre mulema Isaye tolanda lekide mwana mama mi ala mandembo papa na kijendi soki iku mkutu oko masima vite la parole la parole vite avec vite iwa inshaku la parole vite ye sama nipali kukulu la tele ke la mana chiluba La vérité blesse. Mais ce n'est pas la faute à celui qui l'a dit, c'est la faute à la vérité. Thank you. Kumbi, Christiana Kwasa, José Bongo, le député pour la loi, Adam Bongo, le prêtre. Bajana.